Chapitre 5e. Le dimanche suivant, ils se donnent rendez-vous pour passer la journée à Aix. Bien que prenant le même autocar, ils font comme s'ils ne se connaissaient pas et s'assoient assez loin l'un de l'autre. Arrivés place de la Rotonde vers 11h, ils remontent le cours Mirabeau, à quelques mètres de distance l'un de l'autre. Maxime observe Marceline qui marche devant lui d'une allure gracieuse et distinguée. Sa jupe un peu bouffante se balance au gré des pas et d'un léger mistral qui vient de se lever. Il éprouve du désir pour cette femme dont le corps promet des merveilles mais en même temps également un profond respect imposé par le charme sage qu'elle dégage. En haut du cours, Marceline entre à la brasserie des deux garçons, vieille institution aixoise. Maxime entre également, 3 secondes après elle. Il est un peu impressionné de pénétrer dans cet établissement fréquenté par la bourgeoisie aixoise et s'est habillé aussi strictement que sa maigre garde-robe le lui permettait. Un costume en toile noire, une chemise blanche au col qu'il a repassée lui-même, ornée d'une lavalière. L'ensemble lui donne un petit côté félibrige et désuet qui le fait passer pour un poète. Ils s'assoient tous deux dans la partie café. Face à face, ils se dévisagent sans un mot, un vague sourire sur les lèvres. Le garçon leur apporte les 2 vermouths qu'ils ont commandés. « J'aime bien le cadre de ce café, » dit Marceline. « On s'attend à y voir des femmes en crinoline et des hommes en redingote. » « C'est un des plus vieux établissements d'Aix, » répond Maxime, toujours perdu dans le regard de Marceline. « Qu'avez-vous décidé pour Camille ?»« Je vous l'ai dit, je vais convoquer les parents, et j'essaierai de les persuader de changer de conduite, sous peine de poursuite éventuelle s'ils ne veulent pas comprendre. »« Vous risquez un affrontement, je le crains. » Marceline lui prend doucement la main. « Maxime, faites-moi plaisir. Si nous parlions de nous, au lieu de parler de Camille... » Maxime rougit. Il comprend qu'il s'est conduit comme un idiot. Il faut qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire courtiser Marceline. Dans le fond, c'est pour cette raison qu'ils sont ensemble ce matin. Marceline, vous n'avez jamais pensé à refaire votre vie? Madame Kunz baisse la tête et déplace les verres sur le marbre de la table. Non, pour l'instant, ça ne m'était pas venu à l'idée. Je me trouvais bien ainsi. Enfin bien, c'est beaucoup dire. Disons que je n'avais pas envisagé le problème. J'étais comme... « Anesthésié. Voilà, c'est le mot. Je n'avais envie de rien. Et puis, depuis l'autre soir, vous êtes venu chez moi, il me semble que j'ai senti un petit fourmillement. Le début d'un réveil. Alors maintenant, vous pensez que c'est possible de repartir de l'avant ? Oui, mais il faut savoir comment. Et avec qui ? C'est vrai. Ce doit être difficile de choisir celui ou celle avec qui on va refaire sa vie. Moi, je n'ai pas ce problème, puisque ma vie n'a pas encore commencé. » Vous non plus, vous n'avez trouvé personne. Qu'est-ce qui vous a empêché d'avoir une relation? Vous avez bien dû essayer, non? Une fois. Mais c'est tombé à un mauvais moment. Je n'en avais pas le temps, mon père était malade, et il fallait que je m'occupe de tout à la ferme. Nos relations se sont espacées, naturellement. Par la suite, je n'ai plus cherché d'âme sœur. Car je pensais, et je pense toujours, qu'une vie comme la mienne ne peut pas être partagée par une femme. Et puis je n'ai pas le temps, ou quand je l'ai, « je suis tellement fatigué que je n'en ai pas la force. Il faudrait qu'une femme me tombe du ciel sur la tête. »« Oui, je comprends, » dit Marceline pensivement. « Mais vous vous trompez peut-être. Il faut croire aux choses aussi. Espérer, désirer. Quelquefois, ça provoque les événements. »« Marceline, pourquoi prenez-vous tant de précautions pour nos rencontres? De quoi avez-vous peur? Je sais, je ne suis pas bien reluisant. »« Oh non, ce n'est pas ça. » »« C'est simple, pourtant. » Vous, Maxime, vous vivez dans votre ferme à l'écart du monde, mais moi, je suis tous les jours au village, je parle avec les mères d'élèves, les commerçants, et si vous saviez ce que je peux entendre sur les uns et les autres. Mais nous n'avons rien à nous reprocher. Non, bien sûr. Mais s'ils apprenaient que nous rencontrons régulièrement, je les entends d'ici, tenez. T'as vu la maîtresse? Elle ne s'embête pas, hein? Elle s'envoie l'air avec le Maxime. Eh ben, pour une maîtresse d'école, ce n'est pas joli joli. En avant, la veuve joyeuse. Quel exemple pour les minots. Vous voyez le genre, Maxime. Dans ces petits villages, on a tout fait de salir la réputation de quelqu'un. Regardez comme ils ont détruit l'image d'Adrien Brossard. Il faudrait repartir à zéro. Ailleurs, alors. J'y ai pensé cette nuit, mais jusqu'ici, pourquoi l'aurais-je fait, puisque je n'avais pas de calomnie à craindre, puisque je ne fréquentais personne. Et maintenant, c'est différent ? Interroge Maxime, plein d'espoir. Oui, c'est différent. Car j'ai envie de continuer à vous fréquenter. Voilà, vous êtes fixé, dit-elle dans un sourire. Mais pourquoi moi, Marceline? Est-ce que vous avez bien compris ce qu'était ma vie, entre un frère impossible et une mère inconsolable et aigrie? Tous les jours la même chose, avec comme seule obsession de joindre les deux bouts pour ne pas même manger à sa faim. Une vie dans une vieille ferme, sans aucune commodité. Fréquenter un paysan balourd, alors que vous êtes une femme instruite. Maxime, vous n'oseriez pas me faire croire que vous pensez que seul l'argent compte dans la vie. Vous l'avez montré avec Camille. Vous êtes sensible à bien d'autres choses. Vous avez très bien compris ce qui m'attire en vous. Et vous faites l'âne pour avoir du son, dit-elle en riant. Ce qui me pousse vers vous, c'est la même cause qui vous fait vous attacher à moi. C'est vieux comme le monde. Vous m'adoriez alors ? Lance Maxime en riant. Le garçon interrompt leur conversation. Messieurs, dames, vous pouvez passer à table si vous le désirez. Je vous ai réservé la petite table à gauche au fond. Marceline et Maxime s'installent, chacun d'eux un sourire sur les lèvres. « J'ai une faim de loup !» s'exclame Marceline en approchant son visage de celui du garçon. « Ça me fait un bien fou !» lui murmure-t-elle en touchant des lèvres la joue de Maxime. Puis, au milieu du repas, elle lui glisse à l'oreille. « Si je recommence ma vie ailleurs, tu viens avec moi ?» Le cœur de Maxime fait un bond à ce tutoiement soudain. Il est tout décontenancé que ce soit Marceline qui prenne l'initiative de la démarche. « Cela me posera beaucoup de problèmes, mais pour rien au monde, je ne laisserai passer cette chance. Je te suivrai au bout du monde, et je ferai n'importe quel métier pour rester avec toi. » Il lui prend le bras et le serre fort. « Si nous allions au cinéma cet après-midi, il passe Marius dans la rue derrière au Rialto. » Pendant tout le reste du repas, ils échangent des projets, des confidences, des serments. Finalement, ils sortent de la brasserie par la porte de côté en se tenant tendrement la main. Dans le cinéma, lorsque la lumière s'éteint avant les actualités, ils échangent leur premier baiser.